Vous écoutez France Culture. Bonjour Colette Fellouz, à dimanche prochain. Aujourd'hui, dans Tout un monde, nous partons à la rencontre d'un écrivain monde, justement, comme on dirait aujourd'hui. Un homme très connu et méconnu à la fois, Pierre Loti, un rêve d'ubiquité. Tout un monde, Marie-Hélène Freissé. Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Voilà un café chantant du Caire tel que Pierre Loti aurait pu le vivre, ce bourlingueur kitsch, ce romantique attardé, ce dépressif chronique de type exotique, je cite, ou encore cet écrivain le plus génial du 19e siècle, et ça c'est une citation de Claude Farrère. On n'en finirait pas d'énumérer les jugements à l'emporte-pièce qui ont pu viser la personne et l'œuvre de Pierre Loti, alias Julien Viau, officier de marine devenu académicien à 41 ans, coqueluche des salons fin de siècle, sur lequel Malraux conclut en s'esclaffant « Loti, quel numéro !» Aujourd'hui, revisité avec une distance salutaire, la forêt de l'œuvre de Pierre Loti se dessine derrière l'arbre du personnage. On y découvre tout d'abord la qualité de cet écrivain globetrotter. C'est tout le sens de la démarche qu'a entreprise Jean-Claude Bourlès, ici présent, qui nous offre une magnifique trilogie absolument méconnue, Le désert, Jérusalem et la Galilée, qui viennent de reparaître en petite bibliothèque. On s'étonne aussi de la dimension très complexe de l'homme, de la pertinence de certaines, pas toutes, certaines de ses analyses. Et on découvre aussi par-delà l'original, le type bizarre replié dans sa maison monde, sa maison univers, son incroyable cabinet de curiosité. Et bien au milieu de tout ça, il y a un être complexe, un passeur de culture, un créateur qui est aussi très bon dessinateur, incroyablement doué. C'est le sens du plaidoyer que déploie depuis près d'un quart de siècle Alain Kellavi-Léger, qui est également avec nous. Au hasard de leur long voyage, les matelots des grands bateaux abordent aux souriants rivages et sur les langoureuses plages auprès des flots. Les matelots oublient l'angoisse des orages. Donne Bonjour Alain Kellavi-Léger. Ce n'est pas Yvette Guilbert, c'est Suzy Solidor. Qui fait d'ailleurs un comeback assez extraordinaire. Alors on n'est pas dans l'Orient cette fois, on est plutôt dans un style hawaïen, polynésien, ce qui d'ailleurs ne nous éloigne pas non plus de Loti. Loti que vous défendez depuis un quart de siècle avec une passion extrême, Alain Quai de la Vie léger. Pierre Loti, l'incompris, votre biographie date, je crois, de 85. La première de 86, oui. Et puis Le Pèlerin de la Planète de 2005, la dernière édition. Et déjà dans cette première biographie, donc, vous avez dégagé un certain nombre d'idées qui étaient... Pierre Loti est un grand écrivain, il faut le dépoussiérer. Et c'est... Après, vous avez été suivi d'ailleurs par un certain nombre d'auteurs qui vous ont emboîté le pas. Oui, je crois que je n'ai jamais écrit « Pierre Loti est un grand écrivain », parce que cette question-là ne m'intéresse pas. Je crois que c'est à chacun... Pourtant, nous, elle nous intéresse, oui, nos lecteurs. Donc je réponds pour moi-même. Je veux dire, c'est à chacun justement d'en décider. Donc je cherche, j'ai jamais pensé qu'il fallait imposer aux autres un tel parti pris et qui relèverait de la playlist. Là, non, je pense que l'important, en revanche, c'était de dire « Loti est un écrivain d'aujourd'hui, Loti est lisible aujourd'hui, puisqu'on ne le lisait plus. Loti est un type intéressant. » Il est moderne. Voilà. Et donc, c'était beaucoup plus d'aller à la recherche, de questionner cette œuvre-là, cet homme-là, sa maison maintenant. Et puis, bien sûr, de faire partager ce qui est cette passion dont vous parlez, qui n'est quand même pas exclusive. Mais je pense que Pierre Loti, effectivement, est proche de nous. Et il était victime d'un discrédit injustifié, injustifiable aujourd'hui, de gens qui ne le lisaient plus ou qui se contentaient d'un certain nombre d'étiquettes qui étaient pratiques pour se débarrasser de lui et de quelques autres, d'ailleurs, de sa génération. Alors, comme Claude Farrère, sur lequel vous avez aussi écrit, voilà. Et qui a dit, tout à l'heure je le citais, alors que Loti... Oui, mais c'est très exagéré. Loti n'est pas le plus grand écrivain du 19e siècle. Non, il n'en existe pas, d'ailleurs. Oui, voilà, oui. D'ailleurs, tout est exagéré chez Loti. Alors, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui, justement, n'ont peut-être pas lu Loti, qui avait été pendant longtemps rangé un peu dans les rayons série B de la littérature, un mot sur les idées toutes faites. Parce que c'est vrai qu'on a l'idée de Loti avec un chèche déguisé en officier de spahi, dans sa maison complètement délirante, à poil parce qu'il avait en même temps un culte du corps, amoureux des femmes exotiques, alors faisant des enfants à droite à gauche de manière concertée. Bon, ça c'est l'image qu'on en a. Oui, je crois qu'il y avait deux étiquettes, on va dire, pour faire simple. Un Loti, disons, régionaliste, l'auteur de Ramuncho ou de Pêcheur d'Islande, le côté breton, le côté Pays Basque, donc provincial comme ça, et un écrivain pour, j'allais dire, de dictée d'école primaire au 19e siècle. Et puis le Loti kitsch, exotique, assez fanfaron, assez étonnant et dont on pouvait se moquer parce qu'il s'y prêtait bien et qu'on ne prenait finalement pas au sérieux hein, parce que c'était, tout cela semblait une pure apparence. Voilà. Et en réalité, ces images-là existent parce que lui-même s'en est servi et qu'il n'est pas dénué de mise en scène. Il adore même ça. Mais Loti est évidemment un personnage beaucoup plus sérieux, beaucoup plus profond, beaucoup plus dramatique aussi. Et son œuvre... Il suffit de lire, tout simplement, d'entrer dans le texte et on se rend compte qu'on n'a pas affaire à un simple homme public, mais un véritable créateur, un véritable écrivain, qui est un musicien, qui est un dessinateur, enfin, voilà, un esthète très, très raffiné. Alors, une œuvre très importante en quantité. Oui, une cinquantaine de livres et puis des centaines d'articles, de textes. En fait, 7-8 romans, vraiment. Loti, finalement, n'est pas vraiment un romancier. Et d'ailleurs, s'il est revenu au goût du jour aujourd'hui, c'est moins par ses romans que par ses récits de voyage. Justement, la trilogie en Terre Sainte en est un exemple. Loti, me semble-t-il, parce que là aussi, c'est un parti pris, est d'abord un très grand auteur de récits de voyage, un travel writer, comme on dit maintenant. Le romancier est intéressant. Son premier roman, Asiadé, par exemple, est extrêmement moderne. Roland Barthes l'avait très bien vu. Mais Loti ne s'est jamais considéré comme un romancier. Ce sont un peu des exercices d'écriture pour lui. S'imposer une forme comme ça, inventer une histoire, ce n'était pas tellement son affaire. En revanche, être le témoin du monde, le pèlerin, parler de ce qu'il voit, parler de lui-même, ça, il n'oublie jamais. Et là, il avait un talent certain. Oui, très égocentrique, très narcissique. Mais après tout, quel créateur ne l'est pas ? Oui, et puis surtout, la question est de le faire assez bien, et il ne le fait pas trop mal. Alors, un mot quand même du parcours biographique. Ce n'est pas un garçon que son passé familial destine spécifiquement à la littérature ? Non, c'est un milieu cultivé toutefois. On y cultive beaucoup une passion pour les arts, pour l'écriture, pour la peinture, pour la musique. Bon, on est dans une famille bourgeoise avec des gens très lettrés. Donc, la famille Viaud. Voilà, la famille Viaud et donc des gens qui sont de Rochefort, des Lolléron, enfin du pays de la Charente-Maritime aujourd'hui. Et puis, avec un frère aîné, il y a quand même une tradition maritime, donc une ouverture sur le monde. Il y a un frère aîné qui a été chirurgien de marine en Polynésie. Bon, donc une famille qui est à la fois repliée sur elle-même, un cocon, même très étouffant, et puis en même temps très ouverte sur le monde. Donc le lieu, le port même de Rochefort où Loti est né, est évidemment par définition ouvert sur le monde colonial. Donc que cet enfant-là puisse être un peu prédéterminé à devenir un écrivain, bien sûr, c'est jamais prévisible, mais en même temps, on l'explique assez bien. Voilà. Sauf qu'effectivement, un talent va apparaître, qui émerge lentement aussi, parce qu'il commence d'abord par dessiner, par gagner des droits d'auteur avec ses dessins, qu'il envoie à la presse, et c'est à force de rajouter une légende, un petit texte qui accompagne, que finalement, le dessin disparaîtra, et on aura purement l'auteur de récit, avant même qu'il devienne romancier. Un mot peut-être du dessinateur, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'en reparler. J'ai été très surprise en regardant notamment votre livre consacré à la maison de Loti, puis il y a eu une petite expo il y a 2 ans à Paris au musée de la vie romantique, l'extrême qualité des dessins de Loti. On connaît le travail par exemple d'un autre écrivain, Fromentin, et lui il a été reconnu, mais Loti, il me semble qu'il y a eu très très peu d'expositions. Oui, la raison est simple. D'abord, Fromentin a exposé lui-même. Loti n'a jamais publié ses dessins de son vivant, c'est donc vraiment un violon dingue. Mais et lorsqu'il envoyait des dessins à la presse, il paraissait sous forme gravée et en plus n'était pas toujours signé, etc. Donc, parce que Pierre Loti n'existait pas à ce moment-là, donc c'était Julien Viau de son nom d'état civil. Mais ces dessins, on les connaît bien, et il y en a énormément, que ce soit sur l'île de Pâques, que ce soit à Tahiti, que ce soit bien sûr en Turquie, à Istanbul, et ils sont d'une remarquable facture. C'est un œil qui est très très impressionniste, avec un sens du détail très très aigu, une belle composition d'une manière générale, et oui, on a un talent, un véritable dessinateur, je crois qu'on ne peut pas dire autrement. Madame Chrysanthème, le jour sous le soleil béni, musique d'André Messager, Alain Calavi-Léger, le jour sous le soleil béni, la nuit sous l'étoile qui rêve, dans les champs, dans les bois, s'élève un murmure infini. On est un peu dans le cliché Loti, là, on va démarrer de ça. Et... un cliché adaptation, hein, en l'occurrence, de son roman japonais. Et c'est bien justement de passer cet extrait-là plutôt que Madame Butterfly, qu'on attribue souvent à une inspiration de Loti et qui en fait est un exercice totalement autonome. Alors voilà un garçon qui part comme officier de marine, vous nous le disiez, qui a une veine, on va dire, d'observateur, un peu ethnographique, en même temps qu'a envie de vivre des aventures personnelles, mais qui très très vite va devenir un écrivain avec un incroyable succès. Oui, je crois que Loti a une consécration tout de même relativement rapide et en une dizaine d'années, il part vraiment d'un anonymat absolu et vous l'avez dit, il est élu à l'Académie française en 91, il a 41 ans, mais entre-temps, il y a eu le succès de Pêcheur d'Islande, c'est en 86, il a 36 ans. Donc 1891. Et la popularité de Loti a été rapide. La presse le suit, c'est un marin dont on note les escales. C'est un personnage qui fait qui intéresse les journalistes à Paris, qui est un mondain, en même temps c'est un sauvage, donc il est toujours en décalage aussi, il se prête de ce fait à beaucoup de critiques. Il y a un phénomène Loti, et puis les dames se sont entichées de cette littérature, je crois que tout cela fait beaucoup fantasmer en même temps, on met dedans beaucoup plus de choses qu'il n'y en a parfois. Ce qui fait fantasmer les dames, alors ce sont ces idylles exotiques. Oui, alors, bon, aujourd'hui tout de même, lorsqu'on relit ça, on ne trouve pas ça extrêmement torride, mais à la fin du 19e siècle, il y avait quand même matière à beaucoup de fantasmes. Et c'est vrai qu'il a aussi été déterminant dans beaucoup de décisions d'entrer dans la carrière maritime pour beaucoup d'hommes. C'est un voyageur. Je crois que Loti reste un bourgeois, mais en même temps, il fait rêver la bourgeoisie de ce qu'elle voudrait être, c'est-à-dire libre de ne plus être bourgeoise, donc d'être au bout du monde, d'être libre de circuler, les histoires d'amour qui sont évidemment pas forcément morales. Bon, tout cela, il représente quand même une part de l'inconscient de la société. Et donc, grand succès, grosse fortune d'ailleurs, qui lui permettra de construire justement sa maison à Rochefort. C'est quand même un des auteurs qui gagne le plus d'argent à la fin du 19e siècle en France. Donc et puis en même temps, un certain dédain de la part de certaines élites, parce qu'on va taxer ça de littérature facile, d'écrivain justement pour dames et pour midinettes. On en est pourtant loin, mais un succès forcément, comme toujours d'ailleurs, le succès ambivalent. Sa carrière de voyageur va durer toute sa vie ou est-ce qu'il y a une première partie de vie très vagabonde qui après est exploitée en littérature ? Non, il est resté marin jusqu'à sa retraite, jusqu'en 1910. La marine a voulu le mettre à la porte un peu plus tôt, mais il s'est battu au contraire pour y rester. Et donc les deux carrières sont en parallèle. Il y a une carrière d'officier de marine qui nourrit la littérature bien sûr, parfois elle ne suffit pas, donc il prend un congé et il part en Inde, en Perse ou en Égypte. Et là, ce sont des voyages terrestres qui donneront également des récits de voyage. De temps en temps, il intercale un roman, mais avant tout, il est effectivement le témoin du monde et donc d'un monde ou d'autres mondes. Et il rapporte des récits de voyage qui sont des nouvelles ou qui sont des ouvrages entiers. Alors, qu'est-ce qui le meut dans cette démarche incessante de voyage ? C'est une curiosité ? C'est un mal-être ? Alors là, c'est la bonne question. Je pense qu'on peut répondre de plusieurs manières. D'abord, psychanalytiquement et sans faire de la psychanalyse de bazar, je crois qu'il y a un besoin d'évasion, il y a un besoin de sortir de sa coquille, il y a un besoin de dédoublement, de se démultiplier, de vivre d'autres vies. Loti est... Bergeron disait très justement, Loti c'est un goinfre et un gouffre. Hein, et je crois qu'effectivement il y a ce côté gouffre un peu morbide, un peu angoissé, enfin très très angoissé même. Et la peur de la mort qui amène à vouloir vivre le plus rapidement possible, le plus intensément possible. Et puis justement cette notion de goinfre, qui est quelqu'un qui a un appétit considérable, et ce n'est pas seulement sexuel, c'est effectivement dans la découverte du monde, dans le besoin d'aller dans d'autres civilisations. Et une grande curiosité qui n'est pas toujours intellectuelle, qui est peut-être plus souvent intuitive, plus souvent esthétique, mais une réelle empathie pour les autres. Intense curiosité du monde et en même temps désir d'intériorité. Jean-Claude Bourlès, bonjour. Bonjour. De ces deux pôles de Loti, ce désir d'intériorité est exprimé par un voyage. Curieusement, un voyage qui paraît aujourd'hui, qui reparaît en trois volumes et que vous préfacez de manière très éclairante. C'est la trilogie moyenne-orientale, comme vous disiez tout à l'heure. La trilogie en Terre Sainte. Voyage en Terre Sainte. Le désert, Jérusalem, la Galilée. Et dans ces trois ouvrages qui se suivent, c'est le même voyage que vous préfacez, on découvre effectivement un Loti qui a envie d'espaces minéraux, qui a envie d'une sorte de parcours intérieur en même temps que géographique et qui est en quête de quelque chose qui n'est pas du tout de l'exotisme, qui est mystique, parce qu'il est, comme vous l'êtes vous-même un petit peu, Jean-Claude Bourlès, un pèlerin sans église. C'est une expression, c'est un très joli titre que vous avez donné à un de vos livres, puisqu'on vous connaît aussi pour un certain nombre de récits que vous avez fait de vos marches en direction de Compostelle. Et l'un de ces récits s'appelle « Pèlerin sans église ». Alors on peut comprendre votre parenté de cœur et d'âme avec Loti. Je ne sais pas quoi vous dire, je vous laisse votre jugement, c'est sans doute pas faux. Oui, Loti est pris, enfin, il faut dire qu'il est élevé dans une famille très protestante et qu'à 19 ans, il a avoué à sa mère qu'il ne croyait plus en Dieu. Ce qui a fait une crise profonde chez les vieux, parce qu'ils sont restés très religieux. Et de l'âge de 19 ans, à la fin de sa vie, Loti va toujours rechercher Dieu. Il va avoir envie, le désir ardent de retrouver ce qu'il appelle la foi de ses ancêtres, qu'il ne trouvera pas. Alors, arrivé en... Il est veuf un peu de cette émotion, de cet éblouissement de son enfance. C'est ça, il se trouve un peu orphelin quelque part, et il veut absolument renouer avec ça. Et la meilleure façon qu'il trouve, c'est de se rendre justement en Terre Sainte, pour voir ce qui s'est passé en Terre Sainte, pour comprendre. Et dans le troisième volume, il dira même pour voir le Christ, c'est ce qui est absolument délirant. Mais enfin, bon, bref, il part. Il organise une méharée, il part de la fontaine de Moïse à côté, pas très loin de Suez, le 22 février 1894. Il traverse le Sinaï. C'est l'objet de son premier volume, c'est-à-dire Le désert, qui est un texte extraordinairement beau. Avec un désir de, justement de cet espace minéral, mais il l'écrit très très bien. Hein, c'est l'infini vide, le désert au crépuscule, le désert d'une teinte neutre et morte se déroulant sous un ciel plus sombre que lui. C'est-à-dire il décrit ce paysage de manière extrêmement intime, fine. Enfin, c'est un reflet de absolument. Son état intérieur, visiblement. Absolument. Et sans oublier les hommes qu'il rencontre. Ils sont assez peu nombreux quand même dans le désert, mais il y a d'abord l'occupation ottomane. Il voit bien sûr les Turcs qui sont là, mais il voit aussi les Bédouins qui passent. Il les décrit de façon superbe, parfaite. On sent que c'est quelqu'un qui est en recherche d'amour des autres, ce qui est assez étonnant chez lui, parce que c'est quand même un égocentrique quelque oui. part. Mais là, il est vraiment, comme on dit pour les pèlerins du Moyen-Âge, à merci, c'est-à-dire à merci du désert lui-même, de cet environnement très, très minéral, et puis des gens qu'il rencontre. Alors, il a toutefois un compagnon, oui, un certain oui, Théo, dont il ne dit jamais rien. Vous pourriez peut-être connaître le nom du... Alain Canavillégé. En fait, il a souvent voyagé et accompagné, oui, mais avec Léo Témèze. Ah, c'est Léo, pardon, ah, c'est un certain ça, Léo. C'est ça, oui. Il parle de Léo, oui, c'est ça. Et mais c'est tout, il en parle très très peu d'ailleurs. Hein, de... Oui, c'est curieux parce qu'il dit tout le temps « nous ». Et on oui. réalise, mais loin dans l'un de ces trois textes, qu'il est constamment en compagnie d'un ami dont il ne nous dit rien. Oui, si j'ai bonne mémoire, ils étaient trois ou quatre d'ailleurs, ils n'étaient pas que deux. Hein. Ils étaient trop c'était des amis. Mais il n'en parle pas. Il y a un ami et puis il part avec aussi, j'allais dire, du personnel, avec des oui. accompagnateurs. Bon, il y a une méharée. C'est une méharée, voilà. Donc c'est quand même un groupe. C'est quand même pas très sûr le désert à l'époque. Et puis quand même, c'est quand même le désert. Il faut donc aller en équipement. Ils arrivent, donc ils partent le 22 février 1994 et ils arrivent à Gaza le 25 mars, c'est-à-dire un mois à peu près après son départ. Et le 25 mars tombe le Vendredi Saint, ce qui n'est quand même pas un hasard. Et ils montent à Jérusalem, on dit on monte à Jérusalem, le dimanche de Pâques. Et à partir de là, ce premier volume qui est très descriptif, très minéral, très, très, très en attente de ce qui va se passer, devient une recherche spirituelle forte, violente, très souvent injuste dans son jugement, parce que on a assisté dans toute cette traversée du désert, dans une montée du désir de trouver, d'avoir la révélation, il parle tout le temps de la révélation, de renouer avec ce Christ qui m'échappe, et il se trouve à Jérusalem, au lieu, et là, il va entreprendre des démarches très diverses. D'abord un rejet, il a des mots très durs pour ce qu'il voit. C'est un peu les marchands du temple qui l'agacent. Oui, les marchands du temple. Et puis les touristes. Les touristes. Alors, les touristes. Là, on a envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu es d'autre, toi aussi, qu'un touriste, hein? C'est un peu la problématique qui a été développée par Jean-Didier Urbain dans L'Idiot du voyage. C'est-à-dire, le touriste, c'est toujours l'autre. Oui. Mais Loti est quand même un touriste. Oui, oui et non. Oui, il est snob. Hein? Les autres sont des touristes, pas lui. Oui, oui, mais je crois qu'il a une démarche quand même très différente des touristes tels qu'il est décrit, quand même. Il les appelle les cooks. Oui, ben absolument. Là, c'est les wagons cooks. Ce sont des gens qui vont dans les hôtels, ce sont des gens qui prennent soin d'eux, ce sont des gens à qui il faut absolument des bateaux. Lui, c'est quand même un dur, hein. C'est un voyageur, c'est quand même un harin quelque part. Non, lui, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il n'aime pas les touristes, c'est vrai que quelque part il l'est peut-être, mais lui, il a une démarche de pèlerin, qui n'est pas un touriste, attention. Hein. Alain Cavalier-Léger, vous voulez dire? Oui, non, je crois que c'est effectivement d'abord une posture à la fin du 19e siècle en littérature que de critiquer les touristes, parce qu'effectivement les touristes sont toujours les autres. Mais c'est vrai aussi que Loti ne voyage pas en groupe, il ne passe pas par une agence de voyage. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la volonté de disparaître, de s'habiller à la manière locale, d'entrer dans la culture. Ce n'est pas seulement un passant qui vient vite et qui repart aussi rapidement. Loti est quand même justement dans l'empathie, il a un besoin de connaître, de parler la langue, donc il ne se considère pas comme un touriste. Des horizons infinis, quand le soir tiède éclaire, a conquis le désert. La caravane endormie sur le sable encore chaud trouve enfin le repos. Mais dans la nuit frémissante, un jeune et beau caravanier chante aux étoiles naissantes l'amour de son cœur prisonnier. Chante ta mélopée troublante qui dans le vent du soir s'envolera comme un chant d'espoir. Chante pour que ta voix prenante conte aux étoiles d'or le rêve ardent qui te grise encore. Alors là, on est peut-être un peu méchant avec Loti, parce qu'on lui balance Jean Lumière le caravanier. Et au fond, c'est ce cliché exotico-kitsch qu'il semble avoir combattu, mais qu'il a finalement, à son corps défendant, fini par représenter. Oui, bien sûr, on peut dire ça, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel de la présence de Loti à Jérusalem, c'est quand même la recherche de Dieu, la recherche au moins du témoignage du passage du Christ. Et là, on est dans quelque chose de très intense. Là, on est quelque chose de très, très fort qui quelque part, l'exacerbe totalement et le rend complètement injuste. Parce que c'est vrai qu'il juge les églises qui sont en place, qui se bouffent le nez à longueur de journée. Il juge les commerçants qui grugent les touristes. Là, pour le coup, c'est les vrais touristes, de façon éhontée. Il juge tout le monde en attendant justement cette révélation qu'il va vivre. Alors, d'un côté, il est très injuste, mais de l'autre côté, il se fait très humble, très petit, en apparence. Il va passer la nuit dans le jardin des Oliviers, il va à Gethsémani, il va auprès du rocher sur le Golgotha où a été plantée la croix du Christ, il y passe la nuit en se disant « il va se passer quelque chose ». Et il ne se passe. Ce qu'essaiera aussi Claudel, il n'a pas d'illumination à Jérusalem. Non. Quelque part, dans ma préface d'ailleurs, je cite Claudel quelque part, parce que c'est vrai que par moments, ils sont un peu pareils. Mais enfin, lui, il n'a pas d'illumination. Il passe Parce qu'il la cherche, alors que Claudel ne la cherchait pas. Peut-être. Mais ça, je n'irai pas jusque-là, je ne sais pas. Mais il est certain que il a des accents de sincérité au point de dire le lendemain, s'il ne s'est rien passé, c'est peut-être un peu de ma faute. Il ne dit pas ça comme ça, mais c'est peut-être un peu de ma faute. J'ai dû manquer d'humilité par rapport à la force qu'il veut voir, c'est-à-dire Dieu qui ou le Christ qui lui apparaissent. Et il se trouve victime de sa propre fierté exacerbée quelque part, quoi. Moi, Loti, je dois voir, quoi. Je ne vois pas, donc ça n'existe pas là. C'est très ambigu. Il reste en plus très longtemps à Jérusalem. Combien de temps? Je crois que c'est 6 semaines ou quelque chose comme ça. Qu'il se passe quelque chose d'intérieur. Oui, il visite tout, il visite partout. Il va chez les bons pères ici, les bons pères là. Il est reçu partout. Et aussi, il a un regard très, très chaleureux, très aimant des musulmans. qui sont à Jérusalem, bien sûr. Alors, là, il y a les Turcs qui représentent une armée d'occupation, hein, qu'on le veuille ou non, mais il y a les musulmans de la rue qu'il voit, et il a beaucoup d'amour pour eux, il le dit d'ailleurs, il le dit à plusieurs fois. Et puis, il y a aussi cette passivité des musulmans par rapport aux chrétiens qui, eux, par contre, se bouffent le nez à longueur de temps. Tout ça, il donne des pages là-dessus qui sont quand même très intéressantes, très objectives, très critiques, très bien écrites, et on sent, à mesure qu'on les lit, la déception qui naît. La déception qui naît parce que tout l'espoir qu'il a mis à la traversée du désert, tout l'espoir qu'il a mis dans les premières journées, les premières semaines de Jérusalem, sont en train de s'effondrer. Et lorsqu'ils partent, parce que la Meharé repart de Jérusalem, c'est le troisième volume, c'est la Galilée, c'est un homme... Déçu. Déçu. C'est un amoureux déçu. C'est un... qui parle, il a des jugements terribles sur Jérusalem, qui est vraiment moins que rien, parce qu'il ne s'est rien passé. Et dans la Galilée... va renaître ce désir de voir. Alors, il y a Tibériade, il y a plein d'endroits où il voit, et il en arrive à dire, j'ai croisé le Christ. Quelque part, il dit, il m'est apparu, mais je n'ai pas trouvé les mots pour le retenir. Mes pauvres mots n'ont pas pu le retenir. C'est-à-dire qu'on voit à quel point le poids de son désir dans ce pèlerinage et la déception, la hauteur de... Alors, il passe après à Damas, il rentre dans le pays musulman et dans la foi musulmane. Et là, bon, il va décrire Damas, la Syrie, le Liban, où il va embarquer après, de façon, je dirais pas touristique, mais d'une façon très, très noble de l'écrivain voyageur. Mais là, il est plus détendu, parce qu'il n'a plus cette angoisse. Vais-je retrouver la foi de mon enfance ? Détendu, mais il n'empêche qu'il sait qu'il n'a rien vu, et c'est un homme meurtri qui prend le bateau. Pierre Loti, il y a une veine bien sûr de romancier, il y a une veine presque d'écrivain mystique, et puis il y a tout de même un témoin de son époque. Vous le disiez tout juste, Jean-Claude Bourlès, quand il est en Galilée, au fond il regarde les très nombreuses communautés différentes qui sont dans cette partie du monde, et en fait il va être confronté aussi à la géopolitique de son temps, qui est extrêmement compliquée dans ce Moyen-Orient, avec l'essor des indépendances arabes, le repli de l'Empire ottoman. Alors Alain Calavi-Léger, à nouveau, est-ce qu'on n'a pas un cliché de Pierre Loti comme une espèce de figure éminente de l'esprit colonial ? Et est-ce que ce n'est pas finalement presque un contresens ? C'est un contresens. De fait, Loti appartient à l'histoire coloniale. Certains de ses romans se passent dans le monde colonial, au Sénégal ou à Tahiti. Pour autant, ce n'est pas un écrivain colonialiste. Loti relève de l'anticolonialisme, même si ce n'est pas d'un point de vue idéologique. Je dirais que c'est peut-être plus chez lui d'un point de vue esthétique et culturel, parce qu'il il a conscience que ce qu'on appellerait aujourd'hui la mondialisation ou la globalisation, en tout cas une uniformisation du monde, est en train de faire disparaître des cultures, qu'il est face à des situations qui pour certaines sont mourantes, et comme il est obsédé par la mort, la sienne, celle des hommes en général, et tout ce qui disparaît lui semble effectivement nécessiter une réaction. Lorsqu'il arrive sur l'île de Pâques, lorsqu'il est en Inde, lorsqu'il est en Terre Sainte, bon, il y a toujours cette obsession des civilisations, des cultures, des langues, des hommes qui disparaissent. Donc il veut témoigner de ce vivant-là. Et évidemment, lui n'est pas un sauveur, il est simplement là pour dire ce qu'il voit, mais il essaie d'apporter sa pierre en tout cas et de, j'allais dire, d'appeler au secours les autres. Donc en tant que témoin du monde, il est actif et là, il est politique. Quitte parfois à être contre la politique, en tout cas les affaires étrangères françaises par exemple, il n'est pas dans l'axe officiel lorsqu'il défend la Turquie envers et contre tout, au moment où au contraire l'Europe essaie de la faire disparaître de la carte. Loti n'est évidemment pas dans le sens du vent, donc il prend des positions. C'est de ce point de vue là un écrivain engagé qui sait, malgré son devoir de réserve en tant qu'officier de marine, en tout cas, prendre des positions courageuses. Et justement, aujourd'hui, en Turquie, si on connaît bien Loti, si on le promeut même par rapport à la demande de la Turquie d'entrer dans l'Union européenne, c'est parce que Loti a été le grand ami des Turcs et de l'islam en général. Alors, justement, peut-être un mot sur cette place quand même privilégiée qu'occupe la Turquie dans le parcours de Loti. Peut-être d'abord cette histoire personnelle avec cette femme qu'il faut peut-être rappeler, qui a donné la matière du livre Asiyadeh, donc le mariage de Loti, enfin la liaison de Loti. Oui, c'est d'abord évidemment bien sûr anecdotique. Voilà, oui. Le jeune officier de marine qui arrive d'abord à Salonique, mais on était déjà dans l'Empire ottoman, puis à Constantinople, et qui dans ces deux villes noue une relation évidemment totalement interdite avec une jeune femme musulmane qui va lui inspirer ce premier roman qui d'ailleurs n'avait pas de nom d'auteur et qui s'appelle Asiyadeh. Donc d'une histoire d'amour pour une femme, pour une ville, Istanbul, pour une nation, pour une culture, pour une religion. Bon, tout cela, évidemment, s'empile. Ce sont des tables gigognes, mais au cours de la vie de Loti, il ne reniera jamais tout cela. Et il devient le grand ami des Turcs, le grand défenseur de l'islam. En France, ce n'est pas fondamentalement nouveau. Les romantiques ont été très passionnés par l'islam. Mais à la fin du 19e, on en revient beaucoup. Et là, Loti est moins à la mode, en quelque sorte. Et il prend des positions, justement, par rapport à la colonisation, qui, de ce fait, l'oppose à une partie de l'intelligentsia. Donc, alors, il a une approche, d'ailleurs, un peu, qui aujourd'hui, qu'on peut revisiter par les textes, de la question arménienne, par exemple. Il a tendance à être quand même, et ça peut quand même le faire détester aujourd'hui, d'une part non négligeable de l'opinion, il prend quand même fait et cause en grande partie dans cette question-là pour les Turcs, en disant que la cause arménienne a été très largement surévaluée. Comment relisez-vous ces textes-là? Je ne relis pas, je vais surtout vers l'ensemble des documents, donc et des archives et des lettres. Et donc la position de Loti est beaucoup plus complexe qu'on ne le dit parfois. Bien sûr qu'il a un parti pris favorable aux Turcs, donc les ennemis de ses amis sont ses ennemis. Et il a pu écrire des choses haineuses ou odieuses sur les Juifs, sur les Arméniens, sur les Grecs, sur les Bulgares, sur les Allemands, sur les Anglais et d'autres, les chiens d'Istanbul et tout ce que vous voudrez. C'est-à-dire que Loti peut savoir être méchant et injuste, bien entendu. Il est de son temps, il a ses contradictions. Pour autant, la position sur l'Arménie est beaucoup plus nuancée. D'abord parce que je pourrais citer d'autres pages, comme pour les Juifs, comme pour les Arméniens, où il dit du bien de ces populations-là. Et puis surtout, par rapport... Alors, il faut distinguer deux choses. Savoir s'il a voulu nier les massacres, enfin ce qu'on appelle les massacres d'Arménie, le génocide arménien, ceux de 1996 et celui de 1915, ce qu'il a essayé effectivement de nuancer au maximum. Et puis après, la position, le statut des Arméniens dans la société ottomane. Loti écrit par exemple, mais qu'on leur donne un pays, il était favorable à l'idée de créer une Arménie à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc ses positions sont beaucoup plus complexes, embarrassées, qu'il n'y paraît. Et donc il faut reprendre l'ensemble des documents avant de juger beaucoup trop vite. Est-ce qu'il y a une dimension antisémite dans Loti, dans des phrases précises, à des moments précis? Jean-Claude Bourlès pense que non. Dans le texte Jérusalem, c'est pas très très. Il y a deux pages à Jérusalem un peu violentes qui sont, j'allais dire, une sorte de pause un peu nécessaire et qui sont un peu ce que disait Jean-Claude Bourlès tout à l'heure, cette déception qu'il y a dans Jérusalem par rapport à l'espérance de révélation. Mais il en veut donc à tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade. Et là, il y a deux pages qu'on peut lire comme antisémites, qui sont simplement deux pages de règlement de compte, et d'autres populations en ont fait les frais. En l'occurrence, je pourrais citer beaucoup plus de pages de Loti disant le plus grand bien des Juifs dans les quartiers des villes marocaines ou en Inde, dans le Kerala. Donc voilà. Donc il est perpétuellement dans quelque chose de contradictoire, c'est-à-dire que... Et ce qu'il fait détester d'ailleurs, parce qu'il n'est d'aucun camp en fait, Loti. Oh, il est de son camp, il est de son temps, il est d'origine bourgeoise, il est d'une culture républicaine assez traditionnaliste, avec, comme tous les bons républicains, il adore la monarchie. C'est un homme qui aime le... C'est-à-dire qu'il y a un certain goût du luxe, du spectacle, qu'il y a un désir de revanche sociale, bon, choses qui font que, voilà. Mais pour autant, ça n'est pas, évidemment... C'est un révolté, c'est pas un révolutionnaire. Hein. Lorsque Jean Jaurès lui demande d'écrire dans l'Humanité pour défendre les Turcs, Loti écrit dans l'Humanité, il n'est pas socialiste. Mais il dérape quand même de temps en temps. Voilà, mais... Il dérape, oui, il dérape contre tout le monde. Quoi. On s'est très focalisé contre les Juifs, et c'est abominable ce qu'il a dit sur les Juifs, sur quelques lignes. Dans quel texte ? Dans Jérusalem ? Dans Jérusalem. Oui, il y a un texte au pied du mur des Lamentations, mais ça fait oui, c'est le mur des... Il n'y a pas une page, hein, ouais. C'est le mur des Lamentations. Oui, oui. Bon, il faut voir aussi ce qu'il a écrit sur les Anglais dans d'autres textes, hein, notamment l'un sur les Anglais. Oui, c'est-à-dire, de temps en temps, il se lâche, quoi. Mais non, oui, mais ça répond aussi à une époque. Ça répond à une époque. Les Anglais sont, c'est l'entente cordiale, mais enfin bon, on n'oublie pas ce qu'on a fait. Les Allemands, après tout, on s'en méfie parce que bon, bref, c'est un vindicatif. C'est un type qui, s'éclate, il se lâche par moments. La fin du 19e siècle n'a pas non plus la culture du politiquement correct que nous avons aujourd'hui. Donc on écrivait parfois méchamment des choses qui aujourd'hui nous choquent, hein, et on est en droit d'être choqué, mais qui à la fin du 19e siècle n'avaient pas le poids qu'on leur accorde aujourd'hui en réalité. Donc, voilà. On ne va pas l'amnistier. Ce qui ne les excuse pas, on ne va quand autant, même pas l'amnistier à 100%. Il n'y a qu'à relire la presse du 19e siècle, voilà. La presse d'opinion. D'accord. Alors, sa relation par rapport aux femmes, la femme exotique, parce que c'est assez bizarre. Il y a une espèce de pratique, au fond, qu'ont beaucoup de voyageurs. C'est pour bien connaître un pays, il faut connaître ses femmes et les connaître intimement. Et il y a une veine dans ces récits, je trouve, qui rappelle un peu les carnets de voyage de Flaubert. Alors, Loti est un grand consommateur sexuel et féminin. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une démarche qui voudrait concevrait le rapport à la civilisation et aux autres cultures qui nécessite qu'il y ait une histoire d'amour ou qu'il y ait des femmes? C'est d'abord un marin, hein, de ce point de vue-là, dans chaque port. Mais Loti est insatiable. Donc les femmes sont nombreuses. Il y a des histoires d'amour véritables, intellectuellement, passionnées, sentimentales. Et puis beaucoup de femmes qui sont des prostituées, qui sont des femmes de rencontre. On n'a pas encore fait le compte. Si on s'amusait à compter le nombre de femmes qui apparaissent dans son journal intime, je pense que les Casanova et les Don Juan ont des cheveux à se faire. Oui. On a attribué aussi à Loti quelques relations avec des hommes, etc., ce qui est moins prouvé. Mais tout cela, en tout cas, signifie un rapport à la séduction et au sexe qui est quand même très, très, très, très puissant. Il s'est fabriqué des descendants exotiques quand même. C'est assez curieux. Il a recruté des femmes dans diverses cultures. C'est plus simple que cela. Des enfants volontairement. Non, il y a une histoire qui, elle, est vérifiable, c'est l'histoire avec la femme basque. Loti était marié, il y avait une descendance légitime avec son épouse, bordelaise, mais il a eu le besoin d'avoir des enfants dont il pensait qu'ils seraient de meilleures conditions physiques, de meilleure santé, avec une race plus pure, plus talentueuse, et il a... Nos auditeurs basques vont apprécier. Voilà, oui. Ce qui n'est quand même pas dénué d'ambiguïté dans ce que je dis là. Et il a décidé d'avoir une seconde épouse, une femme basque qui a partagé une bonne partie de sa vie. Il avait deux domiciles, finalement, il était bigame. Voilà, et dont il a eu une descendance. Il a aussi une descendance sénégalaise. Oui, enfin, c'est avec une Suisse. Ça s'est passé au Sénégal. Bon, il a sans doute eu d'autres enfants illégitimes, mais il ne l'a pas su. Les risques du métier étaient ceux-là. Non, mais la question de la descendance était importante pour lui, parce qu'on revient toujours à la question de la mort, et donc de transmettre la vie, et d'avoir donc alors, comme il n'était pas sûr que sa bordelaise lui ferait de beaux enfants, il a souhaité qu'une basque s'en charge. Voilà. Mais ça fait partie aussi à la fois de ses angoisses très sérieuses et puis aussi des personnages dans ce qu'il a de fantasque. Il va rire la TV. Une voix féminine, en tout cas, qui rayonne sur l'Égypte, cette fameuse quatrième pyramide qu'est Oum Kalsoum, qui est en ce moment remise en lumière par cette exposition à l'Institut du monde arabe, qui va durer jusqu'au début novembre. Alors, un mot pour finir, Alain Kellavi-Léger, d'un endroit que vous connaissez bien, que nous pouvons tous visiter, qui est la maison de Loti à Rochefort, et qui illustre bien ce rêve d'ubiquité qu'on a essayé d'illustrer dans cette émission, c'est-à-dire que si on ne va pas dans les pays du monde ou à la rencontre des cultures du monde, on peut les faire venir à soi. Et alors il a inventé cette espèce de maison-monde complètement folle et que vous connaissez bien puisque vous venez de lui consacrer un livre, un très joli livre qui vient de paraître d'ailleurs avec un DVD et qui s'appelle « Chez Pierre Loti, une maison d'écrivains voyageurs ». Oui, vous parliez un instant de pyramide. Je crois que Loti s'est construit sa propre pyramide. Alors, à défaut d'y être enterré, il y a beaucoup de morts dedans. Hein. Il y a des tombes, il y a des stèles, il y a des turbées, etc. La présence de la mort y est forte. Et puis, c'est un cocon, c'est très sombre souvent. En même temps, c'est un palais exotique, celui, effectivement, le lieu des ailleurs, de l'ubiquité. Et donc, d'une salle à l'autre, on est évidemment dans cet univers très kitsch et très orientaliste de la fin du 19e. C'est une folie de ce point de vue-là. Mais c'est une maison endommagée à la fin de sa vie ou c'est tout une maison qu'il a construite. Elle s'est construite ouais. Devant ans, elle n'est pas préétablie, elle accompagne là aussi les récits de voyage et l'œuvre. Et donc, de 1877 à 1907, il compose, il rajoute, d'ailleurs, il rachète des maisons voisines pour pouvoir s'agrandir. Et donc, il y a une trentaine de pièces comme cela, avec une mosquée, avec un salon turc, une salle chinoise, une pagode japonaise, une salle médiévale, une salle renaissance et quelques autres salles périphériques, une chambre de marin aussi. Donc, un décor qui est bien sûr. Qui n'est pas simplement une fantaisie d'artiste, mais en même temps un résumé de sa vie. Et quelque part, le marin rapporte dans ses malles de quoi nourrir des salles entières qui vont lui permettre de figer le voyage. Et là, le désir d'ubiquité, à défaut d'avoir des vies multiples et de pouvoir se disperser sur la surface du globe, eh bien, il y a la volonté, évidemment, de se rassembler ou de se ressembler dans un lieu unique qui est la maison, et la maison natale. Alors, Jean-Claude Bourlès, vous venez de la visiter, cette maison, et de la découvrir. Non, je l'avais déjà vue trois fois avant. Vous en revenez. Il y a un mois et demi, à peu près. Moi, ce qui m'a frappé, j'avais déjà vu... Ce qui m'a frappé particulièrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est sa chambre. La sobriété. Par rapport au reste ? Par rapport au reste, un petit lit de fer militaire, quasiment, un bureau, une table avec un moulage de sa main dessus. Oui, enfin, le moulage n'y était pas de son vivant, non, mais la chambre est une cellule, on va dire, monacale. C'est aussi la cabine du marin. Oui. Donc, c'est sans doute aussi le lieu où on peut respirer un peu, hein, quand on a toute la surcharge décorative du reste de la maison. Voilà. Là, on est dans un univers blanc et sobre. Extrêmement dépouillé, et d'ailleurs où il écrivait beaucoup, en fait, oui. Il lui servait beaucoup de bureau. C'est toujours les deux aspects du personnage, voilà, c'est ce désir presque hérémitique. Non, de toute cette bric-à-brac. De salles toutes plus étonnantes les unes que les autres, où il faut rester d'ailleurs. C'est un peu le dommage des voyages organisés, si je puis dire, ou tout au moins bien maîtrisés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester comme on voudrait. Quoi. Mais bon, quand on a traversé toutes ces salles et qu'on se retrouve dans cette chambre, c'est extraordinairement frappant. Moi, ça m'a vraiment... Je n'avais pas vu les premières fois. Vous voyez. Il a fallu cette troisième voyage pour... Et on y retrouve aussi certains aspects, si j'en juge par le livre, moi qui n'ai pas visité la maison, vraiment ridicule quoi, de Pierre Loti. Il y a une peinture qui est dans votre livre, là, Alain Kellavi-Léger. C'est Pierre Loti en sarrasin par un peintre suisse tout à fait honorable. Voilà. Ridicule, et alors il est là avec... Je ne partagerai pas écoutez, le qualificatif, mais ludique, parce qu'on est dans le jeu. Oui. Le jeu JE, oui. D'ailleurs se mettre en scène, hein, l'ego qui se développe beaucoup, oui, et le jeu JE, oui, parce que Loti a organisé des fêtes, il y a eu des salons de musique certains soirs, il y a une grande fête médiévale, il y a des fêtes carthaginoises, bon, et la peinture fait partie de ce décorum et de cette mise en scène. Loti a passé sa vie à se faire photographier, par exemple. Vous l'avez dit, nu et habillé de toutes les manières possibles. Ce qui lui paraissait le plus laid, c'était la tenue bourgeoise en civil, mais toute tenue décorative, exotique, lui paraissait... C'est un jeu de rôle et on est dans cela. Donc je pense qu'on est plus dans un moment et un aspect du caractère ludique finalement de quelqu'un qui était par ailleurs très, très obsédé de choses dramatiques qui le perturbaient beaucoup, qui le travaillaient beaucoup. Mais Loti est un joueur, c'est quelqu'un qui a le sens de la farce et le sens de la fête. Comment cette maison a-t-elle pu être conservée en l'état ? Elle est devenue musée municipal en 1969. Le fils de Loti a vendu la maison à la ville de Rochefort. Donc le fils l'avait gardée complètement à l'état. Voilà, il y a habité lui-même toute sa vie. Oui. En gardant dans chaque objet, pieusement. Deux pièces ont vraiment disparu pour des raisons de boiserie enfin, et autres choses qui ne pouvaient plus être entretenues, notamment la salle chinoise et la pagode japonaise. Pour le reste, tout est resté à peu près en l'état. Aujourd'hui, on parle de grands travaux qui devront être faits dans un cadre extrêmement muséographique et rigoureux, pour pouvoir évidemment sauver aussi cette maison, parce qu'elle n'a quand même pas été inventée pour être visitée par 30 000 visiteurs chaque année. Une maison donc délirante, passionnante, labyrinthesque, irritante, comme les Pierre Loti, parfois indéfendable, très bel écrivain, paradoxal, et qu'on a envie perpétuellement de rejeter et perpétuellement de retrouver. C'est un peu un poil à gratter de la littérature, Pierre Loti. Alors Alain Calavi-Léger, donc ce livre, chez Pierre Loti, une maison d'écrivains voyageurs, qui est paru aux éditions Sérène, c'est le CRDP de Poitou-Charentes. On la trouve quand même facilement, cette... Chez tous les bons libraires, comme on dit. Et puis, ça peut être commandé par le CNDP et le CRDP un peu tout charmant. Jean-Claude Bourlès, alors, à relire ou à lire cette trilogie, Le désert, Jérusalem, la Galilée, car par-delà certains aspects un petit peu malsains, c'est vrai que ça reste un très grand texte. Vous-même, Alain Calavi-Léger, à partir de cette biographie donc de 85, vous en avez publié plusieurs autres. Oui, enfin, la dernière version en date, Pierre Loti, Le pèlerin de la planète, aux éditions Oberon, édition 2005. On retrouvera une bibliographie, bien entendu, très complète de Pierre Loti sur notre site franceculture.com, à la page Tout un monde. Entre les cultures, elle se pose évidemment aujourd'hui de manière bien différente de l'époque de Pierre Loti, mais toutefois un certain nombre d'éléments et notamment de frottements et de rejets continuent de prévaloir. Aujourd'hui, une question dans la cité, comment créer des lieux justement de compréhension et notamment justement entre les cultures musulmanes et d'autres cultures aujourd'hui ou plus laïques ou d'une différentes origines à l'intérieur de la cité parisienne. Véronique Rieffel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice, directrice donc des Veillées du Ramadan à la Goutte d'Or, et c'est vrai qu'il est bien aujourd'hui à Paris d'avoir instauré un lieu qui s'appelle l'Institut des Cultures d'Islam, où au moment du Ramadan, on peut créer un espace qui n'est pas forcément un espace de débat extrêmement poussé, mais un espace où on peut vivre ensemble des choses autour de cette période extrêmement importante dans le monde musulman qu'est le Ramadan. Cette période donc qui est liée d'ailleurs au mouvement des astres et qui vient de commencer il y a quelques jours. Véronique Rieffel, donc les dates du Ramadan cette année? C'est tout le mois de septembre, enfin c'est du 1er septembre à la fin du mois. Alors pendant cette période-là, donc au sein de l'Institut des Cultures d'Islam, qui est tout jeune, qui est au cœur de Paris, qui a à peine 2 ans en fait, on l'a inauguré justement au moment du Ramadan en 2006. Mais c'est un centre de préfiguration, c'est-à-dire que ça préfigure un institut plus important qui sera toujours situé à la Goutte d'Or. Et qui sera inauguré en 2012. Alors vous avez été nommée à la programmation, à la direction de CVIE. Il y a une raison à ça, vous êtes arabisante, vous avez étudié la philosophie islamique, vous parlez l'arabe, vous avez été attachée culturelle en Égypte, bien que vous soyez très jeune, me semble-t-il, vous avez une trentaine d'années. J'ai 32 ans, oui. Mais je me suis très tôt intéressée aux cultures d'islam, justement, à travers l'écriture, la langue, la littérature, la philosophie. Parce que j'ai fait des études de philosophie, effectivement, qui m'ont conduit à m'intéresser à la pensée islamique. J'ai appris l'arabe au Langzaw et plus tard au département d'études de l'arabe contemporain du Caire. Alors, comment est-ce qu'on peut inventer un point de convergence comme ça en ville? Car au centre de la Goutte d'Or, bon, on comprend bien qu'une telle idée va faire venir les habitants anciens de la Goutte d'Or, qui sont majoritairement musulmans, presque toujours d'origine maghrébine, mais comment... Et africaine aussi. Mais aussi majorité de musulmans. Et comment va-t-on faire venir, et c'est peut-être ça quand même le vrai enjeu, les autres, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas forcément du quartier, qui ne sont pas forcément musulmans, parce que sinon le partage ne va pas se faire. Alors déjà, je pense que c'est la programmation qui peut donner envie justement de franchir cette frontière un peu symbolique du boulevard Barbès. Il y a eu beaucoup de soirées du Ramadan qui ont été faites à Paris, mais c'est souvent des... Au Café de la Danse, notamment. Il y en a aussi au Cabaret Sauvage. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est associer des moments festifs de concerts, de pièces de théâtre, à aussi des moments de réflexion. On a invité donc des personnalités importantes du monde musulman, par exemple le Cheikh Bentounes, qui sera là au moment de la nuit du destin. Alors, le Cheikh Bentounes, on va en dire un mot. Les auditeurs de tout un monde vont avoir l'occasion de l'entendre, puisque à cette occasion, on a l'intention de le rencontrer. C'est un passeur, lui, justement, entre les diverses cultures. Puisque c'est un chef d'une confrérie soufie très ouverte à toute forme de réflexion et d'échange philosophique et spirituel. Oui, tout à fait. Donc, le cher Khaled Bentounes est le guide spirituel de la confrérie Alaouia. Qui est basée à Marseille, je crois. Oui, enfin, il y a plusieurs. Il y a une représentation assez importante aussi à Paris maintenant. C'est vrai que le message diffusé par les confréries soufis est souvent très ouvert, puisqu'il y a eu beaucoup de dialogues avec aussi les spiritualités chrétiennes, de religions asiatiques et autres. Donc, effectivement, je pense que c'est quelqu'un de très ouvert. Et donc là, il sera là justement pour évoquer le personnage d'Abdelkader, dont on fête cette année le bicentenaire de la naissance. Je vous disais, nous, on souhaite vraiment à travers S'éveiller, qu'on organise en partenariat avec une association du quartier de la Goutte d'Or, la compagnie Graines de Soleil, on souhaite vraiment associer des moments de fête, parce que le Ramadan, c'est aussi une fête. Alors, il y a aussi le repas, donc de rupture, voilà, du jeûne, et des moments de... qui est donc précisément qui démarque quand, au moment du coucher du soleil. Alors voilà, donc ce qui est intéressant aussi dans S'éveiller, c'est que ça donne l'occasion, en fait, au public de découvrir des modes de relations aux sorties culturelles, on va dire, un peu originales et un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, puisque, en fait, sur nos programmes, on annonce des horaires très approximatifs, parce qu'en fait, voilà, ça va dépendre du coucher du soleil. La programmation commence à ce moment-là, par la diffusion d'une série canadienne qui s'appelle « La petite mosquée dans la prairie ». Et on trouvait ça intéressant parce qu'en fait, dans les pays, en terre d'islam, au moment du Ramadan, on regarde énormément de feuilletons. C'est vraiment une tradition en famille, entre amis. On rompt le jeûne en regardant ensemble un feuilleton. Donc là, on a voulu justement associer cette tradition musulmane et montrer que ça va complètement dans le sens aussi de ce qu'on trouve en Occident, avec l'engouement pour les séries. Et donc, on voulait que tout le monde, musulman ou non, vienne partager ce moment de convivialité, puisque ça coïncide en plus à l'heure des repas. Tout le monde peut, bien sûr, rompre le jeûne, qu'il soit musulman ou pas. Alors, il y aura des aspects donc, de convivialité, il y aura de l'artisanat. Donc, il y aura un marché africain dans la cour de l'Institut des cultures d'islam. Je vous invite vraiment à venir découvrir ce petit lieu qui est donc situé rue Léon, en plein cœur de la Goutte d'Or, entre l'Olympique Café et le lavoir moderne parisien, qui sera associé aussi à la programmation. C'est un lieu vraiment convivial où l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment rencontrer les artistes, les intervenants, justement rompre le jeûne avec eux, enfin partager un repas de Ramadan avec eux, les voir après. Enfin, il y a vraiment comme c'est un espace qui est assez, vraiment intime. Il y a vraiment cet échange qu'on retrouve moins dans d'autres grandes salles Par exemple, le parrain de notre institut, le chanteur Abdelmalik, très souvent, il est venu déjà. Et c'est vrai que c'est des moments à chaque fois d'échange avec le public qui peuvent durer. Parce qu'il n'y a pas vraiment, je vous dis, comme il y a pas vraiment d'horaire limite. Donc, c'est arrivé que la discussion se prolonge comme ça jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc, il y a vraiment cette... Abdelmalik, la success story des deux dernières années. Véronique Rieffel, je vous remercie. Donc, S'éveiller du Ramadan, troisième édition du 9 septembre au 2 octobre, donc à vivre. Et on peut consulter la programmation détaillée sur www.grainesdesoleil.com et on peut y entendre... Et sur le site de la mairie de Paris aussi. Voilà, on peut y entendre dans ces manifestations Natacha Atlas, qu'on a entendu, alors ça c'est évidemment, on connaît bien, qu'on a entendu en ouverture de notre entretien, mais aussi surtout y découvrir un certain nombre d'artistes beaucoup moins starisés. Sur France Culture, c'est la fin de la première partie. À la technique se trouvait Jean-Richard Dufour, à la réalisation Anne de Pelchin. Tout un monde, c'est chaque dimanche, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, une émission qui vous est proposée par Marie-Hélène Fraissé. Le voyage continue maintenant en direction de la planète francophone, en compagnie d'Anne de Giaferi, qui nous propose un récit de voyage autour du monde qui nous vient tout droit de Radio Canada. Radio Suisse romande. C'est tellement beau que j'ose pas vous le dire. C'est beau aujourd'hui, beau demain, beau dans les Laurentides, beau demain, beau dans les cantons de l'Est, beau demain. L'élevage et le commerce caravanier constituent à n'en pas douter le support économique de l'Adrar des Iforas. C'était libre de Bruxelles d'approcher d'un peu plus près les civilisations précolombiennes de la Mésoamérique. Aujourd'hui, comment aborder la question ethnique dans un contexte démocratique ? Écho de la planète francophone. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour du monde grâce à des récits de voyage. Ce sont des Canadiens qui se sont prêtés au jeu de raconter leurs plus marquants souvenirs de voyage. C'est une émission de François Tremblay pour les ateliers de création de Radio-Canada. Et grâce à une réalisation qui nous emmène pas à pas dans le lieu décrit, nous partirons donc pour l'île de Bali, la Turquie, la Californie, l'Équateur, Hawaï et les îles Tonga. Tout de suite, direction Bali. On est en Indonésie, à Bali plus particulièrement, au mois de novembre 2002. J'étais là en voyage et c'était deux semaines après l'attentat terroriste qui avait eu lieu dans la capitale et ça a été un voyage fantastique pour plusieurs raisons. Bali, c'est un petit paradis, c'est une petite île dans les archipels indonésiens. Forêt tropicale, marais, marécages, des plages à couper le souffle. Une particularité de l'île de Bali, c'est qu'elle est à 95% de religion hindouiste, alors que dans l'Indonésie en général, 95% de l'Indonésie est musulmane et 5% est hindouiste. C'est comme une mer hindoue dans un océan musulman. Décrivez-moi un peu votre première journée. On est arrivé à l'aéroport, on a vu une présence militaire et policière très importante à l'aéroport. Les pancartes, les nombreuses pancartes qui disent « Toute personne prise en flagrant délit de trafic de drogue est passible de la peine de mort ». L'image que j'avais, c'était de voir ce soldat qui avait son fusil mitrailleur dans ses mains sous cette pancarte-là. Ça donnait encore plus de poids. C'était assez particulier comme ambiance quand on est arrivé. La chaleur étouffante et je dirais des milliers de sourires qui nous entouraient. Ça a été deux semaines extraordinaires dans le sens que la ville de Bali nous appartenait littéralement. Il n'y avait personne, étant donné qu'il y avait eu la bombe deux semaines avant. Donc, pour vous donner une idée, une plage qui pouvait contenir 50 000 personnes journalièrement contenait peut-être 50 personnes À l'hôtel où nous demeurions, il y avait 200 chambres à coucher et il y avait 16 chambres occupées. Nous étions les rois, les pachas dans cet hôtel-là. C'était incroyable. Nous avions un service fantastique. Les gens étaient attentionnés. On a pu goûter de la gastronomie indonésienne qu'on n'aurait jamais pu s'offrir s'il y avait eu une présence touristique comme à l'habituel. On est arrivé dans une période où on a pu jouir de Bali complètement. Le sourire en Indonésie, on dirait que c'est une... ça fait partie de leur nature. Et c'est ce qu'un des guides qui vit à Bali nous a expliqué. C'est que l'hindouisme, c'est d'abord et avant tout le rapport entre le bien et le mal et l'équilibre qui s'ensuit. Les gens sont heureux, ils prient 5 fois par jour, ils font des offrandes 5 fois par jour. Ils sourient à tout le monde. C'est pas compliqué, c'est du positivisme à l'état pur. Qu'est-ce que vous avez ramené de Bali? Moi, je suis pas quelqu'un qui aime ramener des objets comme tels. Je vais vraiment les choisir d'une façon parcimonieuse. J'ai ramené avec moi de l'encens de Bali, un des types d'encens que j'ai ramené, qui est du sandalwood, qui est un bois très, très recherché sur l'échelle mondiale et qui vient, entre autres, de Bali. Donc, c'est un bois odorant et qui sent excessivement bon. Là, quand je fais brûler mon encens, ça me rappelle Bali. On est en Turquie, à Istanbul, mois de septembre 1994. Ah, c'était le début d'un long voyage. On partait, mon conjoint et moi, pour 6 mois. Et puis, on a décidé d'aller en Turquie parce qu'on avait rencontré dans des voyages antécédents un Turc qui nous avait invité à aller chez lui. C'était notre initiation aussi à l'Asie, donc c'était tout nouveau. Donc, racontez-moi un peu votre arrivée en Turquie, votre première journée. Ah, c'était après un long voyage, avion après avion, tout ça, la nuit, le taxi pour se rendre à l'hôtel. Donc, on est couché, le décalage horaire, et puis tout à coup, c'est l'appel à la prière qui arrive d'un minaret qui n'est pas tellement loin de l'hôtel. On sent qu'il est presque sur notre balcon. Et puis, c'était notre premier matin à Istanbul. Et c'était vraiment magnifique de se réveiller avec cet appel à la prière-là, qui, en fait, a été avec nous pendant un mois de temps après ça, oui. Tellement d'expériences, tellement de découvertes. Il y a tellement de différents climats, c'est incroyable. La vallée de la Cappadoce, on se croirait un peu dans un climat semi-désertique. Ensuite, quand on monte vers la capitale, vers Ankara, on a des forêts luxuriantes, mais c'est chaud. Quoi qu'on ait eu de la neige un matin, on était vraiment pas préparé à ça. Au mois de septembre, puis il fait froid, les gens chauffent pas comme, évidemment, ils n'ont pas les moyens comme ici. Mais c'est un climat qui change énormément. Donc, d'un endroit à l'autre, le climat change aussi. La Turquie, évidemment, c'est le bassin de la civilisation. Donc, au niveau des ruines romaines, de l'Empire ottoman, beaucoup d'histoires. Donc, on a fait beaucoup de lectures tout le long de nos déplacements. En chemin pour la vallée de la Cappadoce, c'est qu'on est allé à un endroit qui s'appelle Pamukkale. Et puis, c'est un endroit où il y a des sources d'eau minérale avec du calcium. Donc, au flanc de la montagne, il y a des escaliers, on dirait, et puis comme des chutes d'eau. Toute blanche et de toute beauté. C'est un endroit qui est désigné par l'UNESCO comme un endroit à sauvegarder. Et puis, nous, on est allés se baigner dans une des piscines, là, parce que les Romains étaient là. Et puis, il y avait des temples romains et tout ça. Puis, dans la piscine, il y avait des morceaux de colonnes de temples romains qui étaient là d'avant Jésus-Christ. Et puis, on se baignait dans une piscine. Il y avait des arbres tout le tour. Et puis là, on devait enjamber des colonnes romaines. Ça, c'était un moment qui m'a vraiment touchée parce que on touchait justement à l'histoire. Et puis, c'était dans un endroit aussi qui n'était pas très touristique, donc on se sentait entouré de gens du pays. Vous me parliez d'une vallée. Est-ce que vous pourriez plus me décrire un peu la vallée de... La vallée de Cappadoce, c'est un endroit où il y a beaucoup de ce qu'ils appellent des cheminées, des fées. C'est que c'est un endroit où il y a des cavernes, mais aussi le vent, l'érosion, tout ça, a comme sculpté ce qui a l'air un peu des fusées ou des choses comme ça. Puis les gens vivent dans ces cavernes-là, c'est très calcaire. Donc on retrouve autant des choses du temps des Romains, autant on trouve des choses du temps des chrétiens aussi quand ils se cachaient. Puis on a eu la chance de visiter une ville souterraine, c'est incroyable. Les gens vivaient, on a descendu dans la ville, c'était une ville avec 8 niveaux. Et on nous dit qu'il y avait presque 10 000 personnes qui vivaient là. Donc, on a vu les écuries étaient au premier étage. Ensuite, à tous les niveaux, il y avait des endroits où les gens pouvaient faire la cuisine, pas loin d'une cheminée qui sortait à l'extérieur. C'était une expérience intéressante aussi parce que quand on descend là, à un moment donné, on est à la file indienne dans des tunnels et puis tout ce qu'on voit, c'est les pieds de la personne devant nous. On est penché en deux, puis on doit suivre les gens qui sont devant nous dans la grande noirceur, puis notre guide a une lampe de poche et c'est tout. Des expériences fantastiques parce qu'on se dit, on a compris un peu comment les gens vivaient à l'époque aussi. Finalement, pourquoi ce voyage-là vous a marqué? Pourquoi il est resté gravé dans votre mémoire? C'est les expériences qu'on a eues, prendre le thé dans une boutique de tapis, aller manger sur un barbecue qui a pris en feu chez un Kurde et puis sa conjointe australienne. C'est aller danser dans un club turc au son d'une musique rock très américaine et puis on était les seuls non-turcs probablement dans l'endroit. Mais ce qui nous est resté vraiment du voyage, puis pourquoi j'en parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'amour, c'est la chaleur des gens là-bas. C'est la découverte de gens qui sont chaleureux, qui ont un grand sens de l'humour, qui sont serviables, qui aiment le partage. Partout où on est allé, on a rencontré des gens, on a été invités. Puis ça, c'est vraiment le privilège quand on est des voyageurs, c'est d'être invité dans les maisons des gens. Ils nous invitent soit à manger, soit à rencontrer la famille. Ça arrive pas souvent, puis on a créé des occasions. On a tendance, quand on voyage, à faire peut-être, oui, le circuit touristique, mais on va rester plus longtemps dans un endroit, le temps que les gens nous remarquent et puis nous disent « Ah ben tiens, vous êtes encore là, vous, ça fait 2 jours, vous n'êtes pas rendu ailleurs. » Donc, on a fait des contacts comme ça, puis on est invité à rencontrer des gens. Et puis, le contact avec la civilisation aussi, on revient plus riche puis plus proche de notre histoire. On est en Californie, dans la vallée du Yosemite. C'est une vallée de granit, d'un côté qui peut s'élever à plus d'un kilomètre de haut. Puis c'est de la roche qui est un peu grisâtre, qui est pâle, mais qui est très dure. Le granit, c'est une des roches les plus solides à grimper. C'est une grande vallée qui est bien connue dans le monde pour ses grands murs de granit qu'on appelle communément des Big Walls. On est en avril. C'est la meilleure période pour grimper des Big Walls, étant donné qu'il fait beau, les journées commencent à être plus longues, il y a beaucoup de soleil, puis on n'a pas beaucoup de chance d'avoir de la pluie. Qu'est-ce qui t'amène là? C'est un projet que vous aviez préparé depuis longtemps? La raison principale, c'est d'accumuler les standards, les connaissances nécessaires pour passer l'examen qui s'appelle Assistant Rock Guide. Puis un des standards, c'est de grimper des longues routes qui vont prendre plus qu'une journée à grimper, des routes qui peuvent prendre 2 à 3 journées, même 5-6 journées des fois. La route qu'on a décidé de faire, elle s'appelle Leaning Tower, puis c'est la tour la plus penchée en Amérique du Nord. Penchée, là, je veux dire que le début de la grimpe, elle a 110 degrés. Si tu compares ça à la tour de Pise, par exemple, la tour de Pise a 95 degrés à la base. Puis Leaning Tower sera jamais moins incliné que 95 degrés. Dans le niveau des Big Walls, je te dirais que c'est un mur assez facile à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de protections fixes en paroi, la voie est très bien connue, c'est facile de parler à des gens qui l'ont fait la veille. Je te dirais que pour commencer à faire du Big Wall, je recommande Leaning Tower. On a conduit de Kamloops jusqu'à Yosemite, c'est une conduite d'environ 20 heures. Quand on descend de la vallée, on a toute la vallée qui s'ouvre à nous. Puis on voit les 2 murs de granit de chaque bord. Puis des murs, là, comme je disais, qui peuvent s'élever d'un bord de 500 mètres, puis de l'autre bord là, à 1 km de haut. La grimpe était censée nous prendre 3 jours. Donc on a commencé à grimper. Après la première journée, on a couché sur une petite tablette. Hein, ils appellent ça un ledge en anglais. Donc c'était pas gros. On a couché là la première nuit. Mais le lendemain, il a commencé à neiger. Donc, c'était pas mal fini pour cette journée-là. Et qu'on a décidé de redescendre, puis d'aller faire sécher notre équipement, puis de réessayer le surlendemain. Mais le surlendemain, il mouillait encore. Donc, il a mouillé pendant 3-4 jours comme ça. Ça a ralenti le procédé, je te dirais. On a finalement pu avoir une fenêtre de belle température. On l'a pris. On a pris cette fenêtre-là, puis on s'est mis à grimper. Fait qu'on a grimpé, on s'est rendu à la même place. On a couché sur cette petite tablette-là encore. Le lendemain, on a commencé à grimper le Big Wall, la partie de 110 degrés qui était très, très à pic, mais très facile, par contre. Puis, on a fait 4 longueurs de corde comme ça. Des longueurs de corde, c'est 50 mètres par 50 mètres. Donc, tu grimpes 50 mètres, t'arrêtes, ton ami, il vient te rejoindre. Puis tu recommences un autre 50 mètres, ton ami vient te rejoindre, puis etc. comme ça jusqu'à temps qu'on se rende au sommet. Les difficultés, je dirais, ce serait de hisser le sac vers le haut. C'est-à-dire que quand on grimpe ça, il faut grimper avec nous toute notre eau, parce que sur la paroi, on n'a pas d'eau. Il n'y a pas de rivière qui passe sa paroi, évidemment. Ça fait énormément de bagages. Donc, dans nos sacs, on a probablement 175 livres d'équipement. Donc, ça nous prend un système de poulies pour tirer sur les sacs. C'est assez épuisant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le rush de l'adrénaline, il arrive quand? Le rush de l'adrénaline, premièrement, est toujours là parce qu'on est on est exposé au vide. Hein? Donc, le fait qu'on est sur une paroi puis avoir 400 mètres de vide en dessous de nous autres, ben ça nous procure déjà là un rush d'adrénaline qui est constant. Quand il y a des petites difficultés qui arrivent au cours de la grimpe, c'est là que l'adrénaline va monter soudainement, là, rapidement. Là. Ou si tu fais une chute, j'ai jamais senti un niveau d'adrénaline aussi intense que lorsque j'ai chuté 40 pieds à Yosemite. Souvent, quand on rencontre des grimpeurs comme vous et vous nous parlez de la grimpe, c'est presque une drogue de grimper. Qu'est-ce qui vous motive à grimper comme ça et aller toujours « Ah, on va aller là, on va aller là ». Bon, premièrement, la vue, c'est sûr, les paysages. On voit des choses que le commun des mortels peut pas voir s'il grimpe pas. Deuxième facteur, c'est sûrement les sentiments. L'amalgame de sentiments que tu peux avoir en grimpant, de peur, de détermination, d'accomplissement, de souffrance, puis tout ça mis ensemble, c'est comme une mini-vie en une journée, ou une mini-vie dans une expédition. Fait que c'est une mini-vie compressée un peu. C'est ça grimper, je pense. On est en mai 1997 et on est en Équateur. Le village s'appelait Sapayal, c'est à une demi-heure de Celica, qui est une grande ville de la province de Lofa au sud. Moi, j'étais dans un endroit particulier, j'étais pris comme dans une vallée entre plusieurs des montagnes des Andes. Puis il y avait un nuage qui était pris là en permanence, donc j'étais dans une forêt subtropicale où il y avait des lianes qui descendaient des fils électriques et des arbres autour de moi. Je me faisais réveiller à 4 heures le matin par des poulets et des perroquets. C'était super beau, sauf que c'était humide, donc je lavais mon linge et pendant une semaine, il ne séchait pas et il y avait de la mousse qui commençait à pousser après. C'était merveilleux. Je faisais un projet de développement international et l'OGN s'appelait la FUPOX et elle travaillait avec des campesinos, donc des gens qui travaillaient sur les fermes en campagne, quoi. C'était quoi votre projet en gros? Je faisais un jardin communautaire et je donnais des cours aussi sur le planning familial pour les femmes. Mais évidemment, c'est tous des hommes qui se sont pointés là. Et des cours de cuisine, parce que souvent, ils reçoivent des graines pour faire des jardins, mais ils savent même pas à quoi ça sert un brocoli, parce que ça fait pas partie de leur alimentation naturelle. Donc, on leur montrait quoi faire avec des brocolis, avec des concombres, des choses comme ça, des légumes verts, finalement. Puis j'ai donné aussi des cours de nutrition. Quand tu arrives dans un pays pour faire des jardins communautaires, puis que tu te rends compte qu'il n'y a même pas de pelle, ben tu pars de loin. Comment ça s'est passé, grosso modo? Ça s'est passé pendant 3 mois. Donc, tu arrives dans un nouveau pays où tu es perdu dans la forêt subtropicale avec une famille qui parle l'espagnol, mais avec un accent assez étrange. Puis... qui rit beaucoup de toi, puis qui s'amuse des façons que tu es, puis t'es un peu seul. Mais finalement, ils ont appris à m'accepter. Après une journée, je faisais partie de leur famille, puis ça tombait que c'était la journée de ma fête, donc ils m'ont célébré en me saoulant. Et ça a beaucoup amélioré les choses. Ce genre d'expérience-là amène souvent des chocs culturels. En avez-vous eu? Et si c'est le cas, je les décrirai un peu. Mais j'ai pas vraiment eu de choc culturel en arrivant là-bas. Après le développement international, ils nous disent tout le temps de faire un voyage pendant 2 semaines pour décrocher un peu de nos projets, pour pouvoir revenir puis avoir un moins grand choc culturel en revenant. Donc, nous, on est partis puis on est allés dans la forêt amazonienne faire un petit trip écolo-tourisme. Lorsqu'on entend le mot Amazonie, pour un Canadien comme nous, on pense souvent à des grosses bébites. En avez-vous eu des grosses ou des petites? On dit souvent qu'il y a plein de bébites, mais sérieusement, en Abitibi, il y a beaucoup plus de mouches puis d'insectes qu'il y en a dans le sud. Sauf que je dois avouer que j'ai vu des serpents corail, qui sont des serpents qui sont très vénéneux. J'ai vu des tarentules, j'ai dormi à côté. J'ai vu des scorpions, j'ai dormi à côté. Je me suis fait mordre par des scorpions et j'en ai survécu. Ce qui m'impressionnait plus, c'était les grosses créatures de l'Amazonie, comme les paresseux que j'ai vus, les gros serpents, admettons, les caïmans, les poissons, les oiseaux. Il y a des créatures vraiment merveilleuses. Notre guide nous a amenés dans une rivière où il nous a dit qu'on pouvait se baigner. Et pendant qu'on baignait, je voyais qu'il pêchait avec un morceau de poulet cru. Et je me demandais ce qu'il faisait. Puis finalement, il a pogné un piranha après une minute. Et il nous montrait qu'on était dans une rivière infestée de piranhas. C'était vraiment très rassurant. Et qu'il y avait aussi beaucoup de caïmans. Sauf que les caïmans, dans le jour, tendent à dormir et à être plus actifs la nuit. Quelles sont les images qui vous restent en mémoire lorsque vous vous rappelez encore cette aventure-là en Amazonie? Notre panne d'essence, j'imagine, à un jour de bateau de toute terre habitée. J'imagine que ça me revient un petit peu en tête. Alors que malgré le fait qu'on était en panne puis qu'on avait un avion à prendre le lendemain, j'étais complètement relax et j'adorais regarder les singes au-dessus de moi. Les yeux des caïmans qui nous regardaient, c'était super beau. Donc, qu'est-ce que ça vous a appris, ce périple? Ça m'a appris qu'il ne faut pas s'en faire toujours avec la vie, que des fois, il faut juste laisser la vie couler. Alors, on se trouve sur la grosse île d'Hawaï. C'est une île, la grosse île d'Hawaï, qui a tous les climats qu'on peut trouver sur Terre. Alors, des déserts, des forêts tropicales, de la neige à cause des volcans. C'est le plus gros volcan actif au monde. Alors, on trouve toutes sortes de vie et puis de climat, ce qui est fantastique. J'étais là pour une conférence. Et puis les gens qui nous invitaient là-bas ont loué un bateau une journée et puis nous ont amenés plus loin là, sur la côte, à un endroit qui n'est pas accessible par voiture. Alors, on est dans une petite baie entourée de parois verticales. Là. C'est seulement accessible par bateau. On se trouve sur le bateau et puis moi j'ai la chance d'avoir mes cartes de plongée sous-marine. Alors on avait tout notre équipement de plongée. On arrive là l'après-midi. Et puis on fait une première plongée, ils nous amènent. Et puis là, bon, on nage avec des tortues, on voit des murènes, toutes sortes de crabes. De la vie, là, c'est merveilleux, des poissons de toutes les couleurs. Et puis là, on remonte sur le bateau, et puis on mange du sushi. Le soleil se couche. Et puis là, le capitaine du bateau a descendu des grosses lumières dans le fond de l'eau qui éclairaient vers le haut. Et puis là, les raies manta sont arrivées. Et puis là, pas juste une ou deux, là, une vingtaine. Alors, on s'en va dans l'eau, on descend dans le fond de l'eau. Puis là, c'était un peu stressant. Hein? C'est quand même des monstres de la mer. C'est énorme, ces bêtes-là. Ça a au moins 2 à 3 mètres de diamètre. Et puis, on est allé s'asseoir proche des lampes qui ont été placées là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la lumière attire le plancton qui, lui, attire les raies. Alors, chacun de nous, on a une lampe de poche qui attire les raies directement vers nous. Et puis là, elle nous frôle. Il fallait minimiser notre équipement parce qu'ils viennent tellement proches, ils peuvent arracher notre équipement. Ils touchent. Ces bêtes-là s'en viennent vers toi. Ils ouvrent leur bouche. Qui est énorme. C'est tellement énorme qu'on peut rentrer dans la bouche. C'est quelque chose à voir. Là. Et puis, c'est un sentiment là, incroyable. Là, il arrive vers toi, tu penses qu'ils vont te rentrer dedans puis qu'ils vont te tasser. Ben non, ils sont tout délicats, des anges de la mer. Ils viennent et puis là, ils tournaient, ils faisaient des pirouettes. Tous tes compagnons autour se sont tous émerveillés. Là, puis on est resté là au moins 3 quarts d'heure à regarder ces bêtes-là. C'est un moment là, que j'oublierai jamais. Pour Pourquoi est-ce que cette aventure-là en mer vous a plus marqué que d'autres plongées en particulier? C'était l'interaction avec les raies. Du départ, on savait que les raies mantas sont tout à fait inoffensives comparées aux stingrays qui peuvent être dangereuses. C'est comme si on sentait qu'ils aimaient les êtres humains. Et puis quand ils passent à côté de toi, ils te regardent. Ils étaient contents de voir des humains parce que nous, on leur rend la vie plus facile en attirant le plancton. Ah oui, puis je me souviens, dans les, disons, les jets de lumière, les sacrés des puits de lumière vers le haut, et puis là, des milliers de poissons se mettaient directement dans le jet de lumière et créaient un tourbillon là, incroyable, vraiment là, vertical, fait de milliers de poissons. C'était fantastique. Ça se passe au Tonga, des îles du Pacifique Sud. J'ai dû regarder sur une map monde et m'apercevoir que, bon, il fallait regarder dans le secteur de Mélanésie-Polynésie. À l'ouest, il y a les îles Fidji, au nord, Samoa, et à l'est, il y avait les îles Cook. Alors, ce sont des tout petits points sur la map monde. Il y a à peu près 100 îles. Dont à peu près 30 sont habitées. Ce sont des îles de corail ou des îles volcaniques. Parle-moi un peu de ce que vous avez fait là-bas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec un comité d'infirmières et de représentants gouvernementaux. On faisait un programme de formation pour les infirmières en santé publique. En arrivant vers une île assez éloignée, on me dit qu'il n'était pas possible d'accoster à cause du barrage de corail. Et on me dit, bon, chacune aura à descendre dans le petit outrigger et c'est ce petit canot qui va nous apporter à l'île. Alors, moi, j'étais très surprise parce que je ne me voyais pas descendre du bateau qui tanguait avec toutes ces vagues dans le petit canot pour me rendre à l'île, mais... Que veux-tu? On ne peut pas faire de chichi avec son équipe de travail. Alors, je suis descendue du bateau. Je me suis installée du mieux que je pouvais sur le tronc d'arbre, parce que c'est un tronc d'arbre qui avait été creusé. Et on me passe la boîte de vaccins. Et là, moi, je regarde le monsieur avec son peigne et je me dis comment je vais m'en sortir, mais j'essaie de me convaincre que, bon, ce sont des descendants, finalement, des Polynésiens qui ont couru les mers pendant des siècles. Et puis, à la première grosse vague, on a survolé le barrage de corail. On est arrivé près de la plage et on me dit, bon, ça y est, sautez. Alors, je saute dans 5 pieds d'eau. Je prends la boîte de vaccin sur la tête pour pas que ça soit mouillé. Et je marche jusqu'à la plage où je m'écrase, contente d'être enfin sur la terre ferme. Vous avez littéralement surfé avec des vaccins. C'est ça. Surfé avec des vaccins. Sur la tête, en plus. La même journée, on avait su par radio que le grand-père de l'infirmière qui était né dans l'île était décédé l'avant-veille. Les infirmières ont mis leur jupe de paille et on s'est rendu au petit village d'à peu près 120 personnes, tout petit. Ensuite, on s'est rendu en silence à la maison où était exposé le défunt. Et ça a été très touchant parce que c'était une maison sur pilotis au deuxième étage. On était assise à côté du défunt qui était couvert de soie, de satin, avec des fleurs de bougainvilliers, de flamboyants qu'on faisait brûler de l'encens. On était assise par terre avec peut-être 8 ou 9 autres personnes. Et il y a eu un moment de recueillement et très doucement, il y a quelqu'un qui a commencé une mélodie de douleur très poignante, mais très calme, qui était repris par chaque personne et qui était lancinante, triste, hypnotisante. Et à ce moment-là, j'ai regardé, il y avait une fenêtre ouverte qui donnait sur la mer. Il faisait soleil, la mer était immense. Et tout à coup, je me suis sentie comme hors du temps, tu sais, hors du temps et de l'espace. Et réaliser que ce qui est important, là, ça se passait ici avec ces femmes qui se berçaient, qui avaient des mouvements de leur corps qui exprimaient leur tristesse. Et je me suis sentie prise dans ce mouvement-là. Et j'avais l'impression que je n'étais plus un observateur d'une cérémonie que je n'avais pas vue dans ce genre-là auparavant, mais de participer vraiment là, en harmonie avec ce chant, avec ces mouvements, avec d'autres personnes. Et après, quand on est allé voir le reste de la famille, la grand-mère qui me flattait les joues et qui me fixait des yeux en souriant, c'est quelque chose qui m'a fait réaliser comme quoi, au-delà de toutes les connaissances, au-delà de tout ce qu'on apporte, c'est vraiment qui on est qui fait qu'on peut avoir des expériences humaines, même s'ils sont très courtes, c'est un très court moment, mais je pense que c'était enrichissant pour les autres personnes et surtout pour moi. La belle aventure, on pourrait dire les belles aventures, puisque c'était différents Canadiens qui nous racontaient leurs voyages respectifs, leurs souvenirs de voyage, une réalisation de François Tremblay, un programme de Radio-Canada. Et nous avons écouté donc Éric Langer, Marie Dussault, Frédéric Amiot, Mélanie Lacroix, Bruno Baronnet, Louis Sten, Bernard Michel et Julia Langlois. Merci Anne-De Giaferi, on vous retrouve pour de nouveau Tour du Monde des radios francophones dimanche prochain à 16h. Pour l'instant, le voyage continue sur France Culture, ce voyage dominical à travers les cultures du monde. Et nous retrouvons Caroline Bourgine.